Y'a du genre Arsal, donc les types peux divague. Faut couler le sang, les bouteilles de Ruina. Qui changent des pesos, c'est aussi des Gina. Zipette, en provenance de Madinina. Ils ont voulu me piéger. J'arrive, collection, je suis en DG. La vie c'est un jeu d'échecs. Soit tu connes, soit tu montes au crochet. Je me pose pas dans VIP avec des faits clochettes. Réel like, c'est pas un movie. Je vais pas finir ma vie dans un crash comme Kobe. Dans le bureau de l'inspecteur à le tournis. Nos bâtiments sont remplis de Gushla et Momi. Waouh, Igo fait bédap. Si nous loupe à 16h, bien on reviendra le soir. Je voudrais que ma daronne s'endort que dans de la soie. Faut plus d'un million d'euros pour calmer ma soif. Je me sens comme le king de PLR. Sans qu'il te cocaïne dans un container. Je suis comme un classico par Igo et Seyma. Je roule à 2.30 comme si je remontais de la selle rap. On fait la war comme dans les rues de Chicago. C'est rempli de hops et de macabé. J'ai plus d'un tour dans mon queue ça. Je fais pas de magie noire pour me gaver. Nouvelle Kishta, nouveau gamo, je touche dit. Ils entendent dire que je suis matrixé. Sur un coup de tête, je peux baiser la plus bonne. C'est sûr qu'elle pourra pas me piquer. J'ai jamais vu la mort d'aussi près. Bien apprêté, ça paie en haute couture. Mes bonnes de 25 avant le sifflet. Je paye le bosseur en petite coupure. Je peux pas dormir, sinon ça sent la fin. Encore une target, je dois sortir les crocs. Encore un gadget qui va faire les choses. Encore des chemettes qui veulent faire les choses. Des brouillards, je suis tombé plus bas que terre. Si j'étais mou, ils voudront faire la collab. Je suis rempli d'ambition comme Walter quand il a péco, bicarbonate. Y'a rien d'étonnant, la rue c'est normal. J'ai des frères dans le foot, des frères en promenade. Béné dans le chouara, je connais pas le chômage. C'est bien qu'à la formule, mais tu feras rien sans maille. J'ai fait courir devant le live. Avec toi, fais la sainte ni touche. Avec nous, je sais qu'elle aime trop le sexe. Je peux me refaire sur une trend TikTok. Et me refaire sur un litron de cesse. Excité sur la bécane. Comme un biker délai, je frotte la bavette. Je viens de là où toutes les roses poussent en pétales. C'est rempli de bavures et délits de faciès. On fera pas le monde avec des si. 2x0 après le 2, c'est ma monarchie. Billets, enveloppe, élastique. Je suis bon qu'à ça, faut que j'en laisse un peu pour ma vie. Débrouillé, je suis parti bosser. La main dans la white, le socket. C'est des panades, je connais copains.